un Birkin, tu l'auras. Un bébé, on verra. Cheval blanc, on ira. Assini, on ira. Le Birkin, tu auras. Un bébé, on verra. Ce qui est à moi est à nous. Ce qui est à moi est à nous. Ce qui est à moi est à nous. Ma chérie, mon amour, j'suis fan de toi, j'aime bien ta compagnie, elle est de jeune pas. Allez, serre-toi, j't'en prie, et peu importe le prix, je fais ce que mieux, dis-moi prix. Cherche pas à calculer ce que j'ai pris, j'ai tout sais à quel point j'ai bossé pour ça. Pour cette part, je me suis donné à 100%. Tout le ciel bien sur zone, toi, t'as le bidet à dire en personne. Cheval blanc, on y va. Assini, on ira. Un Birkin, tu l'auras. Un bébé, on verra. Cheval blanc, on y va. Assini, on ira. Le Birkin, tu l'auras. Un bébé, on verra.